Salut Blockbuster, merci pour cette émission Toy Story, névrose, non incluse. Je me suis rendu compte en vous écoutant que toute ma jeune adolescence, je disais vers l'infini et l'au-delà. Fred, est-ce que tu crois qu'il faut que j'en parle à mon psy ? Pour moi, Toy Story, c'est avant tout un mauvais souvenir, puisque quand j'étais petite, j'avais installé des pièges dans ma chambre pour pouvoir surprendre mes jouets en pleine action. Et en fait, c'est mes parents qui sont tombés dessus en pleine nuit et j'ai été punie. Du coup, franchement, je déteste Toy Story. Nous vous devons une reconnaissance éternelle, Frédéric. Salut Blockbuster. Dis donc, réussir à citer Sartre en parlant de jouets dans un Pixar, faut quand même être super fort. Bravo Blockbuster. Alors ouais, on déconne, non, on déconne, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération non. Au revoir, et j'adore, c'est trop bien. To be or not to be, not to be. Il y a des émissions, on sent qu'on va recevoir des messages. Par exemple, aujourd'hui, une émission sur Diams, dans la France de 2021. Les probabilités que la team des pas contents soit déjà en train de s'ambiancer tout seul est extrêmement élevée. Déjà, comme c'est si souvent le cas lorsque l'on enregistre un blockbuster consacré à la musique, il y a les âmes charitables qui brunchaient avec Debussy qui vont m'expliquer que le rap, aussi populaire soit-il, n'est pas de la musique. Ensuite, il y a les vrais puristes du rap, ceinture noire 3ème dan de Street Cred, ils étaient là à l'enterrement de Tupac, qui vont m'expliquer que Diams, c'est pas du rap, qu'elle s'est faite rattraper par le système et qu'elle n'a aucune légitimité pour parler de ce genre de musique en tant que petit bap tout fragile qui travaille sur Radio Boulgour et Jus Détox. Il y a les éveillés, les Louise Michel 2.0 qui vont m'expliquer que le rap véhicule des messages hautement contestables et discriminants. Et enfin, il y a les patriotes qui vont me menacer de me tondre parce que j'ai fait la promotion d'une artiste qui s'est convertie à l'islam. Bref, j'aborde cette émission avec la sérénité d'un épileptique au futuroscope. Néanmoins, je ne suis pas fait du bois dont on fait les poltrons. La peur du « quand dira-t-on » n'aura jamais raison de mon envie de célébrer les grands artistes populaires français. Céder à l'autocensure, jamais ! Ou je ne m'appelle plus Alex Vizorek. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Ah ouais, on déconne, on est pas, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. On est une génération super belle, super riche, super ambitieuse, super... super culotté, super... voilà, le monde est à nous un peu. James, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie. Il y a des artistes d'une génération. À la fin des années 90, début des années 2000, le monde de la musique fait la connaissance de Mélanie Georgiade, plus connue sous le nom de Diams, une tornade d'énergie qui, en l'espace de 4 albums seulement, remplit des zéniths, rafle des prix, enchaîne des tubes et marque de sa présence l'histoire du rap. En 2012, elle décide pourtant de mettre fin à sa carrière artistique. Pour revenir sur le parcours de cette artiste, j'ai à mes côtés Emmanuel Carinos, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences sociales à l'Université Paris 8, au CRESPA, le Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Et parmi vos objets d'études, vous travaillez sur le rap français et sur la notion de violence dans les textes de rap. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que Louise Michel, elle aurait peut-être aimé le rap en vrai. En vrai, on est d'accord. Avec nous également, Wafa Mamèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice aux éditions Face Cachée, vous écrivez sur le rap et le hip-hop pour l'ABCDR du son. Vous êtes également manager éditorial pour les studios Red Bull en France et conférencière. Et les auditeurs de Move peuvent vous entendre dans l'After Rap où vous êtes chroniqueuse. Tout à fait. Il est de retour et on est ravis. Fred Musa, bonjour. Et moi donc. Bonjour, comment ça va Fred ? Mais très très bien. Vous êtes l'animateur de Planète Rap sur Skyrock depuis 1996. Une émission connue notamment pour ses performances live et ses freestyles. Vous êtes le héros des animateurs de radio, hein, il faut le dire, parce qu'à 50 dans un studio... Si peu. C'est... Surtout en période de Covid. Voilà. Gérez ça super bien. Ouais. Et vous animez également la nocturne 100% rap français tous les vendredis soirs de minuit à 2h sur Skyrock. C'est vrai, je confirme. Ensemble, on va tenter de retracer l'histoire de Diams, son parcours, l'évolution de son style et de ses textes, de sa musique. On parlera bien évidemment de son rapport conflictuel à la médiatisation, de sa place dans le milieu très compétitif du rap et de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Blockbuster spécial Diams, c'est parti. Diams, pose ta voix, montre que le rap est un boulot. Bien sûr que c'est un taf et un fret vrai. Un métier de flemmard, même pas besoin de brevet. Je sais pas, maman, mais je pense que t'aimerais. Si un jour t'affichais la une de tes magazines préférés. J'ai flairé, ouais, sûr je serais pas avocat. Mais je paierais sûr plus d'impôts qu'une caissière de chien attaque. Je m'attaque au vent, lui et parle souvent de toi. Le rap est un métier, si je vends le disque, c'est pour toi. Tu me dis que le rap n'est pas un métier, maman. Mais c'est avec ça que je paierai ton loyer, maman. Pour le moment, c'est prétentieux. Je parle beaucoup, mais quand t'auras plein de bijoux, tu verras que ça vaut le coup. Tu me dis que le rap n'est pas un métier, maman. Mais c'est avec ça que je paierai ton loyer, maman. Pour le moment, c'est prétentieux. Je parle beaucoup, mais quand t'auras plein de bijoux, tu verras que ça vaut le coup. Calmement, maman. Vous venez d'entendre Drôle de Bise, issu du premier album de Diams, premier mandat sorti en 1999, et c'est un duo avec Driver. Wafa Mamesh, je me tourne vers vous pour poser cette question, voilà, qui va lancer cette émission. Qui est Diams ? Alors Diams est une rappeuse qui découvre le rap à l'âge de 10 ans, comme ça. Elle vivait dans le 91 avec sa mère. Sa mère travaillait dans une maison de disques, donc elle lui a ramené plein de CD, dont voilà des compilations de rap et des albums de rap. Donc entre 10 et 13 ans, comme ça, elle commence à écouter beaucoup plus de rap parallèlement à plein d'autres musiques. Et puis à 13 ans, elle se met essentiellement à écouter du rap. Elle était très très fan des NTM d'ailleurs. Et puis, elle se prend d'une boulimie comme ça pour cette musique. Elle écrivait un petit peu, elle aimait beaucoup déjà lire et écrire. Et elle commence à écrire, elle commence à vouloir performer. Déjà, elle prend le rap comme un challenge. Se dire que finalement, elle peut être bonne dans quelque chose. C'est, le rap, il ne faut pas forcément avoir des... On va dire des... Il ne faut pas venir d'un milieu particulier, prendre sa plume, une feuille blanche, avoir de l'attitude. Et voilà, on peut faire du rap. Et puis, ensuite, ça devient un exutoire. Et elle sort plusieurs albums et ça devient ensuite la star que l'on connaît, voilà, dont on va refaire le parcours ensemble. Et généralement, quand on imagine le rappeur, il y a toujours cette dramaturgie autour du rappeur. Il a vécu des trucs extrêmement durs, c'est un enfant du bitume, et il grattait ses premiers textes comme ça, entre deux boulots, mal payés, etc. En lisant la bio de Diams, on se rend compte qu'elle a quand même, elle a été dans un collège privé, etc. Et on a l'impression que c'est une vie plus posée et qu'en fait c'est vraiment le média rap, la manière de raconter, de se raconter, qui lui a plu plus que le mode de vie qu'on associe aux rappeurs en général. Oui, c'est ça. Elle avait pas forcément une vie comme vous venez de le décrire avec le cliché qu'on a sur les rappeurs. Elle avait cependant des choses à évacuer, des choses internes, parce que bon, on a beau venir de milieux plus aisés, on traverse quand même des difficultés émotionnelles, et elle voulait surtout mettre ça sur papier. Et puis cette street cred qu'on pourrait peut-être lui reprocher, elle l'a eu en allant sur le terrain, en se confrontant à plein d'autres rappeurs, en travaillant très dur, en faisant des freestyles au téléphone finalement. Et c'est aussi ça aussi l'essence du rap, c'est que certes, peu importe d'où tu viens, t'as eu le même parcours que tous ces gens-là, finalement. T'as travaillé dur, t'as traversé des obstacles. Et aujourd'hui, si t'es là, c'est parce que tu le mérites. Emmanuel Carinos, vous avez découvert Diams à quelle époque et avec quel album ? Alors c'était intéressant, c'était au collège. Et j'ai un souvenir d'avoir honte, en fait. Notamment parce que mes amis garçons, qui étaient pour moi les garants du bon goût musical, se moquaient un peu de nous, et c'était un truc que j'écoutais surtout... C'est fou, hein, on est d'accord. Avec mes copines, oui, carrément. C'était avec mes copines de la gym, pour le coup, et c'est un truc qui a mis très longtemps pour moi d'accepter qu'en fait, j'aimais beaucoup, et que c'était important, etc. Là, après, en m'intéressant de plus en plus avec le rap, j'ai écouté tout le reste de sa discographie, et effectivement, j'ai une préférence pour je pense ces sons qui sont vraiment rap quoi. Mais il y a quelque chose chez elle qui me parle beaucoup dans cet amour, comme vous avez dit, pour la forme, pour l'attitude, le goût du freestyle. Il y a cette anecdote incroyable donnée par Radical MC sur le site ABCDR du son, où il explique en 2004, elle était déjà une star, etc. Elle arrive pour poser sur la compile Street Lourd, Tout le monde commence à se moquer d'elle parce qu'elle était déjà un peu connue, Brut de Femme était sortie. En fait, ils disent, ouais, tu vas nous raconter, tu vas niquer l'ambiance en chialant sur tes ex et compagnie. Et en fait, elle, Radical MC, dit comme ça, il dit, elle a rappé sur la tête à Kennedy, elle a plié la compile. Alors qu'il y avait Booba, qu'il y avait Kerry James dessus. C'est ce genre d'anecdote chez elle qui me semble important de rappeler et qui m'a aujourd'hui encore me marque beaucoup. Fred Musa, alors vous avez vu énormément de rappeurs et de rappeuses. À quel moment, en voyant Diams, Mélanie, vous vous êtes dit, oula, on a affaire à une personnalité? Il y a plusieurs époques, mais c'est vrai que moi je me souviens de... Elle était avec un collectif aussi au début, Mafia Tressée. Il y avait Je plaide pour la rue. Je me souviens avoir repéré ce petit bout de nana à ce moment-là. Et puis évidemment l'album Brut de Femme, ça c'est en 2003. Il y a cet album qui arrive avec... Elle aurait pu être d'ailleurs artiste d'un seul titre. Alors, si on met de côté le premier mandat qui n'a pas été l'album où elle a eu du succès, mais sur cet album Brut de Femme, elle aurait pu être artiste d'un seul succès, qui était DJ, qui était un des gros cartons de cet album. Mais sur Brut de Femme, on sent aussi sa plume, on sent le moment où elle va se confier. Tout à l'heure, on parlait de ses failles. Il y a évidemment le manque du père, qui est très important. Et puis après, pour compenser ça, les petits copains, et puis surtout un... avec qui ça va pas bien se passer du tout. Donc elle le raconte tout ça déjà dans Brut de Femme. Oui, parce qu'elle a été victime de violences. Très très très très dure. Elle a vécu ça d'une manière très brutale. Surtout elle qui était à la recherche du père, le père qui était pas présent. Donc ça a été des moments compliqués. Et on a déjà ça sur Brut de Femme. Et franchement sur l'album Brut de Femme, moi c'est vraiment c'est à ce moment-là aussi où je me dis on a affaire à une grande artiste qui va le prouver après avec. Avec l'album Dans ma bulle qui va sortir en 2006. Et ce qui m'a marqué en réécoutant ces albums, c'est que généralement, il est toujours nécessaire de faire l'exégèse d'un artiste en disant « Ah, dans cette telle ou telle chanson, il a voulu dire telle ou telle chose. » Alors que chez Diams, c'est littéral. C'est-à-dire que on sait exactement où elle en était, à quel moment de sa vie. Il y a une forme de transparence entre ce qu'elle vivait et ses textes qui est absolument sibylline. C'est pas forcément le cas chez tous les rappeurs qui ont besoin de se cacher derrière un personnage. Elle sait, même si elle avait un pseudo, on connaissait vraiment Mélanie. Je pense que cette franchise et ce côté un peu impudique, c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus gros défaut, ce qui fait que pour certains, elle était insupportable. Ils pouvaient pas supporter cette impudeur, ce côté livré comme ça, naïf, premier degré et tout ça. Et à l'inverse, moi, je pense que c'est ce qui a fait la qualité de son interprétation. En fait, le fait qu'on se sente complètement transporté, qu'on ait des frissons, qu'on pleure. Quand on l'entend rapper. Et je pense qu'en termes d'interprétation, si on devait garder quelque chose d'elle, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans l'histoire du rap français, surtout dans ces années 2000, pour moi, il y a Soprano, peut-être, équivalent, Nesbill, et sinon, c'est elle. C'est vraiment elle, pour moi, la voix, en tout cas, la plus émouvante en termes d'interprétation dans le rap français. Puis surtout, ce côté littéral dont vous parliez, il se voit aussi en termes d'écriture. Entre le premier et le deuxième album, l'écriture, elle est différente, elle est très claire, limite, les rimes sont même téléphonées. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me dérangeait parce que je comprenais tout de suite, tout était limpide, on savait que ça tombait sur la mesure, on savait quel mot allait être utilisé. Et je pense que c'est aussi ça qui a joué, ça a été un sujet de critique, en fait. Je pense qu'on on cherchait une recherche différente d'écriture. Il y a vraiment une différence entre le premier et le deuxième album. Et c'est aussi ça qui a permis une ouverture du grand public, je pense. C'est que tout était clair, limpide, sincère. Il n'y avait pas à connaître énormément de références, ni rap, ni pop culture, etc. C'était vraiment proche de sa réalité et proche du peuple, du coup. Et pour ce premier album, Premier Mandat, je sais que je l'ai découvert en préparant l'émission, parce que je l'avais jamais écouté avant, et moi j'étais plutôt féru de rappeuses comme Kenny Arcana ou ce genre de choses, qui mettaient leur trip dans leur texte. Et en lisant, en écoutant Premier Mandat, je me suis rendu compte que finalement il y avait des similitudes en termes de rage, en termes, je trouve que c'est sociétal, oui, ouais. c'est un album très très écorché, le Premier Mandat, très street. C'est un album qui est très street, c'est surtout c'est aussi l'entourage qu'elle a à l'époque. Elle est aussi dans ces moments-là. On parlait du collectif Mafia Tressée, mais elle vit à Orsay, un petit quartier pavillonnaire, un Mont-Détour. Mais juste à côté, il y a les Ulysses aussi. Donc elle commence à voir aussi ce qui se passe un petit peu aux Ulysses. Donc il y a ce côté-là. Diam, c'est quelqu'un qui est petite bombe prête à péter en permanence, quoi. Donc elle s'enrichit de tout ça et elle essaye de le retranscrire. Alors c'est vrai que sur Premier Mandat, il y a un côté un peu colère, entre guillemets. C'est une bonne élève du rap. Voilà, ouais. C'est le côté un peu bonne élève, et puis elle a déjà des références à l'époque, on a parlé d'NTM, elle en a déjà aussi plein d'autres à l'époque, donc elle a ce côté un petit peu scolaire, et

C'était Suzy de Diams dans Blockbuster sur France Inter. Hey, Diams, fais péter le son là-haut. C'est pas difficile d'être une femme dans le monde du rap. À partir du moment où on joue le jeu. Je me suis pas dit, je suis une femme, j'ai un pouvoir, je vais pouvoir dire des choses que d'autres n'ont pas dit, non. J'ai dit, tiens, dis ce que t'as envie de dire, dis ce que tu penses réellement, et à partir de là, les gens devraient se retrouver parce que t'es pas si différente des autres finalement. J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. Ouais, à force de vieillir, on finit par être chiant. Alors je veux rajeunir, bienvenue chez Peter Pan. Fais péter les popcorn, on va se péter le bide. De l'hiver à l'automne, moi je vais péter de rire. Car le monde est moche comme le brushing de Marine. Moche comme le métro de Paris. Faut que je range ma chambre et que je trie mes papiers. Car l'État veut que je paye mes impôts et mes PV. Je les paierai bien en billes, mais eux veulent mon pactole. Les points sur mon permis, je te les vends après l'école. Je n'aime pas l'économie, je n'aime que le PS. Car Tom et Jerry, c'est comme la droite et le PS. C'est la crise, ouais. Chez moi, y'a plus de Haribo. Papa dit que c'est la faute à Sarko. Moi, je peux pas être en... C'était un extrait de Peter Pan sur l'album SES sorti en 2009. Wafa Mamesh, au-delà de son talent musical et des capacités vocales de Diam, ça on l'a entendu dans les différents titres qu'on a fait écouter aux éditeurs jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui fait le succès de Diam? Le succès de Diam, c'est comme on disait, c'est cette franchise, vraiment cette impudeur totale. Le fait aussi d'aborder des thèmes qui n'étaient pas abordés dans le rap français à ce moment-là, et surtout par l'angle d'une femme, tout simplement. Le fait de parler de violence conjugale. Oui, parce qu'elle s'en défend, mais en fait, sa féminité est quand même profondément ancrée. Elle ne peut pas faire autrement, de toute façon. Au-delà de sa féminité, c'est juste sa propre personne. Elle a vécu des violences. Là, c'était une violence dans le cadre intime, mais ça aurait pu être d'autres violences, et je pense qu'elle en aurait parlé de la même manière, de toute façon. C'est ce qui définit, ouais, un peu Diam, c'est une franchise à part entière, une ouverture musicale. Elle a toujours voulu être pop, elle a toujours voulu toucher le plus de monde. Cette crête, finalement, elle l'a gardée parallèlement. C'est-à-dire qu'elle a fait ses classes au début. Alors j'explique aux auditeurs de France Inter, non, mais parce que... cette légitimité donnée par la rue. Cette légitimité par la rue et pour la rue. C'est-à-dire, voilà, des gens des quartiers, est-ce que quand ils la regardent, se disent, ok, elle est de chez nous, elle est valable, elle est validée. Voilà, j'explique rapidement. Sa schématique, voilà. C'est la street cred. C'est ça, et elle a réussi finalement à jouer sur les deux tableaux, à tenter de trouver l'équilibre. Il n'a pas toujours été atteint, je pense. Justement, c'est quelque chose qui l'a dérouté beaucoup, en fait. Je pense qu'à chaque fois qu'elle faisait des morceaux pop, elle voulait à côté aller faire des feats pour rattraper ce public rap qu'elle perdait. Et puis de l'autre côté, elle avait envie de parler au grand monde, elle avait envie de recevoir beaucoup d'amour, donc elle puisait là où elle pouvait puiser. En fait, elle voulait contenter un peu tout le monde, et je pense que quand on devient une superstar à ce stade-là, en fait, on ne s'appartient plus. Et... Mais c'est exactement ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, ou ce qui est reproché, par exemple à Soprano, dans la manière dont il a fait évoluer son rap, ou à d'autres qui ont eu certains succès plus commerciaux. Ayam a envahi les ondes au moment du Mia, alors qu'il y avait des morceaux beaucoup plus street, justement. Ouais, mais je pense que la différence, c'est que ce sont des hommes, évidemment, donc on laisse un peu plus de chance et le droit de se tromper à des hommes, ça c'est clair. Mais eux n'ont pas fait ça de façon parallèle. Soprano, avant de faire des morceaux pop, des tubes, il a fait des albums avec les Psychiatres, il a fait des albums solo, il a lui-même produit des mixtapes très très indépendants dans lesquelles il mettait en avant des rappeurs, des petits rappeurs. Ayam, c'est pareil. Donc, Soprano, on lui pardonne parce qu'on on se le dit des fois entre nous, mais avec Manu, on en parlait il n'y a pas longtemps. C'est bon, il a prouvé. Maintenant, oui. Va manger. Tu mérites, ta famille mérite, va prendre ton argent. Oui, dans le monde du rap, il n'y a personne pour le coup qui reproche ça à Soprano, le virage pop. Enfin, il y en a toujours qui disent maintenant c'est de la merde ou des trucs comme ça, mais tout le monde est en mode t'as fait tes classes. T'as fait les potes street skills et tout ça, les fameuses mixtapes dont Wafa parlait. Maintenant c'est bon, tu peux faire des tubes, fais ce que tu veux. Diam, ça allait arriver à un moment où déjà c'était peut-être un peu moins banalisé, un peu moins accepté. Oui, voilà, c'est ça. 2006, c'est pas forcément un moment où ce genre de virages vers la pop sont faciles. Et en plus, c'est aussi un truc dans notre société, dans l'industrie musicale, on associe beaucoup le féminin au commercial. Et du coup, on a tendance à dévaluer le féminin parce qu'il serait beaucoup plus commercial. Moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai de la réception de James quand j'étais jeune. Fred Misa, est-ce que c'est un carrefour délicat pour une rappeuse ou pour un rappeur, ce passage vers mainstream, le grand public mainstream? Le côté... Ouais, c'est toujours délicat, mais après, je pense qu'il y a différentes époques à comparer, mine de rien, c'est vrai que là, si on compare avec Soprano, maintenant, on est, quoi, sur 20 ans de carrière, hein, mine de rien, depuis le début des Psychiatres. Diam, ça a quand même été quand même assez concentré, finalement. On est sur moins de temps de carrière, donc forcément... Elle a vécu en accéléré. Elle a vécu un petit peu... Tout ça a été très vite, tout ça a été en accéléré. Après, il ne faut pas oublier non plus, puisque c'est vrai qu'on parlait de ce côté street cred. Elle s'est aussi toujours... Elle a toujours gardé quand même avec les gens avec qui elle a travaillé. Je pense à Teufa et Masta, qui sont les grands producteurs de ses albums. Ce sont des gens qui viennent évidemment de cette street cred. Hein. Ils étaient avec des groupes comme Deux Balles de Neg, hein, que je vous conseille d'aller écouter à tous les auditeurs de France Inter. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, n'hésitez pas à cliquer. Mais c'est, voilà, c'est toujours aussi entouré de... Ah, ils ont quitté l'émission, ils sont déjà en train d'écouter. Ah bah voilà, bah revenez, revenez, revenez deux secondes. Faut faire attention à vos injonctions. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'y pense pas assez. Mais c'est, voilà, donc Diam, c'est aussi sur une plus courte durée, c'est avec des gens autour d'elle, c'est pas la même époque. Donc on cherche toujours à comparer les époques. Et puis c'est vrai que... je pense surtout, en fait, le morceau qu'on a passé tout à l'heure de Suzy résume aussi bien son état d'esprit. Je crois que la vraie compétition, c'était avec elle-même, en fait. Oui, oui. C'est ça, Diam, ça a toujours été la compétition avec elle-même. Alors, elle savait qu'il y avait un secteur et qu'il y avait beaucoup de rappeurs. Elle a rentré dans une concurrence qui était effrénée à l'époque, mais elle s'est toujours mis la pression par rapport à elle-même. Quand elle fait Suzy, c'est un clash contre elle-même, en fait. Par contre, ce qui est vrai d'un point de vue de l'industrie, pour dire concrètement comment son succès est arrivé, c'est aussi quelque chose qui est fabriqué par l'industrie. On passe pas de premier mandat où elle a cette capuche comme ça sur la tête, elle est habillée en jogging, elle a un côté garçon manqué au créole et tout ça. Et ça, c'est le produit pour le coup de sa maison de disque. À l'époque, c'était Benjamin Chulvani, genre qui déjà a été après accusé de pas mal de choses. C'est pas quelqu'un qui est très bien vu sur le plan, notamment c'était Sherifa Luna qui lui avait reproché d'avoir fait des incitations à l'avortement, des coups de pression de ce style. Et là, c'était beaucoup charmant, moins grave. Charmant monsieur. Oui, voilà, c'était, enfin, il y a ce genre de réputation en tout cas qui traîne. Et il a été prouvé, toi, je bougeais pas. Et à cette époque, la défense de seconde de Benjamin, rien n'a été, mais il y a eu des bruits. Oui, j'ai dit, il a été accusé. Mais voilà, et tout cas, ça, c'est assez symptomatique de ce que peut faire l'industrie avec en fait des femmes, l'industrie musicale avec des femmes. Et là, pour le coup, ça a été, il faut qu'on féminise The Jams, il faut qu'on en fasse, enfin, il parle de son nez qui était un peu gros, qui était pas assez beau, donc, enfin, voilà, des choses comme ça. Après, je veux pas en faire, voilà, le cliché de l'artiste gentil contre la méchante industrie. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Sa mère, effectivement, travaillait dans une maison de disques, donc elle partait pas non plus de nulle part. Et pour l'autre aussi, anecdote, par exemple, on parlait de Masta. Masta, pour le titre Ma souffrance, qui est le titre qui parle justement de ces violences conjugales, il y a une anecdote de studio où il raconte qu'en fait il l'a poussée à bout, il lui a fait répéter de manière à ce qu'en fait elle craque, elle se mette à pleurer et que du coup elle pleure réellement en fait dans le morceau pendant qu'il y a l'enregistrement. Et ça, je trouve que c'est une anecdote de studio, alors qui fait que le morceau est vraiment, il nous prend aux tripes, etc. Je pense qu'on n'aurait pas fait un truc comme ça à un Soprano. Oui, mais c'est l'anecdote de Shelley Duvall dans Shining, avec Kubrick qui l'a martyrisé justement pour qu'elle soit dans l'état. Mais les réalisateurs de films, voilà, il y a plusieurs anecdotes. Ça pose toujours la question, est-ce que s'il lui avait demandé gentiment, elle aurait pas aussi bien joué aussi? Enfin, voilà, il y a deux écoles. Moi, en tout cas, c'est deux anecdotes révélatrices de comment l'industrie la musique peut être avec des jeunes femmes. Il faut pas aussi oublier qu'elle avait, moi je l'ai vu puisque j'ai beaucoup travaillé avec elle sur Dans ma bulle, j'ai fait toute la partie vidéo, le making of de cet album, j'ai vu comment elle a travaillé avec Teufa et Masta, mais les deux, elle les mettait entre guillemets aussi à l'amende. D'ailleurs, il l'appelait la patronne. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la patronne arrivait, je peux te dire que ça tremblait aussi, mais de la part aussi de Teufa et Masta. Oui. Et je vous raconterai, si vous voulez, l'anecdote avec la boulette qui est absolument incroyable. Oui, elle pense que voilà. C'est... On a encore un petit peu de temps ensemble. Alors, j'ai fait un sondage avec moi-même pour savoir quel titre j'avais envie de passer en entier. Et c'est Toi qui me gêne qui est arrivé en premier. Donc, on écoute ce titre tiré du premier album de Diam's, Premier Mandat.

vie à l'heure américaine. KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Vous avez reconnu Ma France à moi, extrait de l'album Dans ma bulle, sorti en 2006. Un rappeur ou une rappeuse connue du grand public, bah c'est forcément un rappeur ou une rappeuse devenue commerciale, mainstream. Et ça, voyez-vous, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Diams, première vendeuse de disques en France, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah, ça fait mal. J'ai détesté Dans ma bulle quand c'est sorti. Moi, ce piano, j'en peux plus. Vraiment, c'est toujours la même chose. Et les gens qui n'aiment pas Diams, tu leur fais écouter ça, ils te disent « bah ouais, ça, c'est ça ». C'est pour ça que je l'aime pas. Ça fait partie de ces choses sirupeuses, tellement sirupeuses qu'elles en sont indigestes, quoi. Dans ma bulle, il était plus écouté par ma petite cousine et par ma mère que par moi, qui pourtant était le fan de Diams, entre guillemets, dans la famille depuis premier mandat. J'aime les balafrés, les écorchés, et ça sent vraiment l'eau de Javel et l'eau de Cologne à la fois. Je me disais, ah, c'est cool, à partir de DJ, soit genre ça dit un peu notre Missy Elliott, soit ça va devenir René Latrobe, quoi, tu vois. En fait, là, ils l'ont vraiment orienté. Ah, mais attendez, ça marche à mort dans les cours de récré. Bah, c'est cool. Maintenant, on va l'orienter que vers ça, tu vois. Il y a deux, trois représentants un peu édulcorés, vraiment très, très propres sur eux, qui ne revendiquent surtout rien, vraiment, qui ne sont là vraiment pour rien revendiquer. Vous pensez à qui ? Ah, bah, Diams en fait partie. Elle revendique pas grand chose. Alors, elle a deux, trois cicatrices parce qu'elle a dû se péter un ongle un jour à Gif-sur-Yvette. Les négros sont déclassés par pourquoi Diams, c'est cynique. Artistiquement parlant, je m'en contrefous, quoi. J'écoute pas ça, quoi. Ça me fait le même effet que Matt Pokora, j'écoute pas. Un mauvais moment à penser. Ah, on a pu reconnaître la rappeuse Kazé avec ses punchlines, ainsi que Splinter et Mehdi Maizi, qui sont tous Sandra Gomez. Voilà, et Sandra Gomez, voilà, qui sont alors Sandra Gomez n'est pas venue dans Blockbuster, mais Splinter et Mehdi Maizi, oui, donc il me reste encore à inviter Sandra Gomez. Donc sur ce débat autour de Diams, qui n'aurait rien à dire ou, voilà, qui serait très, très lissé, Fred Musa, quel est votre point de vue là-dessus? Marine? Non mais Marine, il faut quand même se souvenir quand est-ce qu'elle va chanter Marine pour la première fois. En fait, elle sort donc de cette époque de Brut de Femme où en effet DJ a pris un peu le pas sur cet album, même s'il y avait d'autres morceaux qui ont été mis en avant. Mais elle arrive sur une émission de Fogiel, je crois que c'était sur France 3 à l'époque il me semble. Et je pense que Fogiel attend qu'elle nous fasse du Diams, en effet un espèce de DJ. Et d'un seul coup elle s'installe au piano et elle est avec quelqu'un au piano et elle se met à chanter Marine. Je trouve qu'à l'époque, ça revendique quand même des choses. Ça parle de la société dans laquelle elle est actuellement. C'est aussi visionnaire. C'est de dire voilà, Marine, c'est celle qui va nous emmerder aussi par la suite. Donc. Mais d'ailleurs, elle s'est engagée politiquement très très tôt et par rapport à d'autres qui n'ont jamais même mis un orteil là-dedans, elle a très vite donné son point de vue. Mais pareil, c'est vrai que ça peut paraître édulcoré, mais quand j'écoute Ma France à moi résonne encore fort aujourd'hui. Elle a cette vision d'une France qui est divisée. On peut pas dire qu'en ce moment on est tous rassemblés. Non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais elle a déjà cette vision. On est en 2005-2006. Et puis on assiste à des nouvelles frontières. C'est-à-dire que maintenant il n'y a même plus des questions de couleur. Il y a des questions de vaccination et non vaccination aussi. Et puis sur la boulette. Alors ça, c'est je veux dire, elle va se faire rattraper certainement par ce morceau. Mais c'est le morceau des manifs. Oui, c'est l'hymne du CPE. C'est l'hymne du CPE quand même à l'époque. Il faut quand même se souvenir de ça. Alors, c'est vrai qu'on oublie très vite, les choses, et très vite on peut dire oui, c'est édulcoré, c'est machin, c'est ce que vous voulez, mais la réalité c'est que c'est une petite gamine aussi, Diams, même quand je dis peut-être à la vingtaine, mais c'est une petite nana qui rappe, et qui rappe parfois des choses quand on arrive à décoder, des choses dures. Alors elle le fait avec son ton, un morceau d'ailleurs, un morceau qui sur cet album-là, pareil, qui est devenu un carton, mais par inadvertance, parce que tout le monde personne n'y croyait à ce morceau. C'est le morceau avec Vita. Oui. C'est le Confession Nocturne de Vita. Ce morceau, c'est aussi à un moment le pouvoir des nanas qui reprennent le pouvoir sur un peu ces mecs qui font tout et n'importe quoi, qui se permettent de traiter les nanas la manière la plus mauvaise possible. C'est écrit comme ça par Diams et Vita, par deux copines qui en fait qui se racontent. Bah, j'ai eu la chance de voir comment elles ont enregistré le morceau. Elles se racontent leurs histoires avec les mecs. Elles sont là, ouais, il t'a fait ça. Vas-y, viens, on fait une petite romance, un truc. Et elles reprennent le pouvoir quelque part. Et là, on est bien avant MeToo, bien avant tout ça. Faut aussi resituer, je trouve que là-dessus, dans l'époque, on oublie très vite. Tout à fait. Emmanuel Carinos, au niveau des textes et de son engagement par écrit, vous qui avez un regard un peu plus distancié sur l'ensemble de la production des rappeurs et des rappeuses, en quoi elle était effectivement déjà beaucoup plus engagée que ce qu'on en dit? Alors, pour être honnête, moi je suis plutôt casée dans le côté politique. C'est vrai que je trouve que c'est pas là où elle est vraiment pertinente, à l'exception du morceau qu'on a passé tout à l'heure, c'est vrai, oui. Où je vois très bien ce qu'il peut y avoir dans Premier Mandat. Après, non, je trouve qu'effectivement, je rejoins Kazé, je rejoins La Rumeur. Je suis plus dans ce style-là, dans le rap revendicatif en tout cas. Par contre, je pense que très vite, elle a pris la parole publiquement, elle a représenté quelque chose, parfois contre son gré, pas forcément ce qu'elle voulait représenter. Et surtout, je me rappelle, et est-ce que le truc le plus politique de la musique, c'est pas ça finalement? Elle a vraiment uni les gens autour de la boulette, où je me rappelle effectivement que les manifs contre le CPE Villepin, il y avait ce son qui passait tout le temps. C'était trop. Voilà, je pense que je la vois plus... et efficacement politique dans ça plutôt que dans la manière dont elle fait, où c'est vraiment pas ça qui me parle. Moi, quand j'écoute Ma France à moi, ce qui me parle, c'est le moment où elle s'énerve à la fin, parce qu'encore une fois, c'est son interprétation. Sinon, le message, moi, globalement, ouais, non, c'est non. C'est effectivement, je rejoins ce que dit Kazé sur ça. Quand je regardais les critiques à mon égard, ou je me disais, mais finalement, si j'avais fini comme Imeron House ou comme, je sais pas, moi, ces artistes délurés qu'on montre tous les jours à la télé, est-ce qu'on aurait dit de moi ce qu'on a dit? Est-ce qu'on aurait dit que j'étais un danger pour les jeunes? C'est ça le danger? C'est de prôner la paix, d'être quelqu'un de bon, de vouloir une vie de famille? Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, ces destins trash, s'ils les font rêver, je les laisse se cracher tout seul. Moi, c'est pas la fin que j'arrive d'avoir. Je suis sortie de ma bulle. J'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle Diam sans paix avec elle-même. Je préfère que ça parte aux enfants du désert. Aux enfants du désert. Ok, ok. La vie n'est qu'une course. Et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi, qu'est-ce t'as à perdre? Rien. Alors tu cours après le flou. Tu coules sous les coups, tu l'ouvres. Tu cours, tu souffres et puis tu prouves. Bah ouais, mec, faut être honnête. Mes troubles m'ont rendu poète. Au point qu'on mette à ma dispo de quoi me toucher au mouette. Hélicoptère, taxi et jet. Je suis monté sans mes tickets. Du terre-terre, t'accèdes au ciel. Mais tout d'un coup, tu fais pitié. Quand t'as de l'oseille, ouais, trop peuf, crève, trop veulent test. Mec, ton père revient te check. Ton père ennemi devient ton ex, ouais. Petite princesse, n'ai fait que fuir pour mieux reluire. Première au business, au pire. Tant que j'avais des sièges en cuir. Dans cette course aux billets roses, j'ai vu mourir mes héros. Dans les coulisses, ça sent la coke. Et chez les stars, c'est l'héros. Moi, comme une tâche, j'ai couru après le commerce et les dollars. Au point d'avoir au poignet la même Rolex que Nicolas. Alors, je suis sorti de ma bulle. J'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric. C'est ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert. Car je n'emporterai rien sous terre. Alors j'ai... C'était un extrait des Enfants du désert tiré de l'album SOS sorti en 2009. Wafa Mamèche, est-ce que justement ce qu'on n'est pas en train de reprocher à Diams jusqu'à maintenant, c'est que... ce manque de colère vraiment validée par la culture urbaine et tout ça. On sait très bien que ces rappeurs qui ont des textes très engagés, ils ne sont pas écoutés par le grand public. Et est-ce qu'on reproche pas à Diams d'avoir été quelque part la courroie de transmission entre cette colère qui, de toute façon, va parler aux initiés et le grand public? Est-ce que c'était pas justement une sorte de carrefour? Bah, je pense pas que ça soit une courroie de transmission, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a transmis à ce grand public, dans le sens où ce grand public n'est pas allé ensuite vers ces artistes indépendants pour découvrir cette colère, cette de la rue, etc. C'est intéressant cet extrait de Diams qui dit que les gens pensaient qu'elle était un danger. Moi, justement, j'allais rebondir sur vos propos en disant que je trouve que elle rassure les gens. C'est aussi pour ça que son morceau est devenu un hymne d'une génération, etc. C'est que par rapport à d'autres rappeurs qui peuvent dire la même chose, mais de façon différente, évidemment, parce que la forme est totalement différente. Elle rassure, parce que ça reste une femme blanche qui diffère des clichés que l'on connaît. Et je pense que la différence, elle est là, c'est que, certes, elle est contre le racisme, pour la paix, etc. On lui reproche pas du tout de ne pas le penser. Je pense qu'elle le pense vraiment. Mais comme elle le dit elle-même dans le morceau qu'on a écouté, elle est en train de manifester pendant que son ami arabe est en garde à vue. Et je pense que la différence, elle est là, c'est que évidemment, elle va prôner toutes ces belles choses, mais c'est pas des choses qu'elle aura vécues, comme évidemment oui, elle c'est juste deux angles. Du système, en fait. Je le dirais pas comme ça. Je ne pense pas qu'elle soit instrumentalisée, mais je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Utile, non, c'est pas le mot, mais je pense qu'elle rassure évidemment la ménagère. Elle est contente d'écouter Diams. Elles se sont pas oppressées, elles se sont pas agressées, et c'est aussi pour ça qu'elle a eu cet effet. Et je pense que voilà, on peut pas comparer Diams et Kazé, parce que ce sont des environnements totalement différents, ce sont des vies totalement différentes, et je peux comprendre des visions du monde totalement différentes. Après, est-ce qu'on attend de Diams qu'elle soit plus engagée ou pas? Ça, c'est une autre histoire. À partir du moment où on la prend comme une superstar et comme une popstar, elle fait très bien son travail et elle est en paix avec elle-même. Elle dit ce qu'elle pense à un instant T. On va pas lui reprocher de pas penser comme nous ou de pas être assez colérique. Et c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que du coup, ça me fait penser, si effectivement par son rap, elle rassurait, est-ce que le moment où elle a fini par véritablement faire peur à la société, c'est pas pile poil au moment où elle a arrêté sa carrière et où elle s'est convertie à l'islam et où elle a dit, ben voilà, moi, mon équilibre de vie maintenant, c'est d'être mariée, d'avoir des enfants, d'être voilée. Et là, tout d'un coup, ce côté subversif que on lui reprochait de ne pas avoir dans son art, elle a fini par l'avoir par rapport aux peurs du peuple français. Elle l'a eu dans sa vie privée. Bah, c'est clair qu'elle est passée de la belle fille idéale à la personne qui est partie embrasser les valeurs qui sont anti-républicaines, etc. Oui, c'était beaucoup trop radical pour les gens. Les gens, surtout, ce qui est intéressant, même moi en lisant le livre, vous en parliez tout à l'heure, en fait, de l'extérieur, on ne s'en rend pas compte de tout ça. On ne se rend pas compte qu'elle souffre, on ne se rend pas compte qu'elle vit très mal ce succès. Et je pense que si on n'est pas dans sa vie, dans sa tête, on ne peut pas comprendre ce cheminement. Donc évidemment, de l'extérieur, des millions de personnes qui l'ont suivie pendant toutes ces années, la voir passer justement d'une jolie jeune fille avec des boucles d'oreilles à parler d'homme, je veux un mec mortel, etc., à aller directement à devenir musulmane et aussi à se voiler et à couper de tout, évidemment que c'est totalement bouleversant pour les gens qui connaissent pas du tout. Fred Musa, comment vous avez vécu ce changement chez Diams? Moi, très bien. Je pense que voilà, elle le dit déjà de façon sur le dernier album SOS. Elle y va. Elle commence à raconter, alors peut-être pas la conversion à l'islam, mais en tout cas, elle raconte différentes choses sur SOS. Donc, j'ai vu quelqu'un, oui, qui a été. C'était très compliqué pour elle, même à ses moments de succès. Alors, c'est vrai que moi, j'étais particulièrement proche, donc je le voyais. Mais quand elle rentrait, après avoir rempli des zéniths et des tournées de zéniths, elle se retrouvait seule dans son appart. Pas jouer non plus la malheureuse, hein, mais c'est vrai qu'il y avait un côté là-dessus où d'un seul coup, tout s'arrêtait, ça passait. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Et puis voilà, je crois qu'elle a eu besoin d'avoir un cheminement de vie, de se dire qu'il y a peut-être d'autres choses, finalement, qu'il y a peut-être Mélanie aussi à redécouvrir ou à découvrir, tout simplement, et qu'elle était là-dessus. Moi, ce que j'ai juste regretté, c'est que finalement, le grand public l'a appris aussi par des photos volées. D'un seul coup, on a montré des photos volées. Et puis alors, évidemment, sorti... Avec l'instrumentalisation qui va avec, évidemment. Avec l'instrumentalisation, avec sortie de la mosquée. Donc tout de suite, oh là là, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais c'est ces moments elle, c'est ces moments de vie elle qui, en fait, n'auraient d'ailleurs pas dû être et pas se répandre dans les journaux, surtout. Mais d'ailleurs, et là, une fois de plus, France Inter va... apporter de l'eau au moulin des gens qui disent mais vous êtes des islamo-gauchistes. Certainement, tout ça. Oui, bah oui, sûrement, bien sûr. Bah, vous mettez ça à l'aigle vis-oreille. Ouais. D'ailleurs, bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, on en profite. Il y a quand même quelque chose, parce que dans le récit qu'on fait de cette conversion à l'islam, on a l'impression que c'est la conversion à l'islam qui a mis fin à sa carrière artistique. Or, c'est bien parce qu'elle ne se sentait pas bien de nombreuses années auparavant, qu'elle a fait des tentatives de suicide, qu'elle elle était vraiment au fond du fond, qu'elle a fini par trouver un salut. C'est elle, hein, c'est son choix, mais dans la religion. Et là, en l'occurrence, pour Diams, la religion elle a agi comme quelque chose de salvateur. Ouais, parce qu'elle sortait, il faut quand même savoir, voilà, après, en effet, il y a eu toute l'époque de Dans ma bulle avec la tournée qui va avec, et à un moment, elle se retrouve en effet en hôpital psychiatrique, sous des traitements très lourds, la bipolarité, machin, etc., qui lui est diagnostiquée, donc elle vit des moments quand même pas simples, et c'est vrai qu'à un moment, et elle le raconte dans son livre, elle dit, ce qui m'a sauvé, c'est la foi, c'est d'aller vers quelque chose de différent, j'ai laissé un peu de côté les médecins, qui m'a breuvé de médoc, grosso modo, hein, je résume rapidement, et la foi, à un moment, voilà, m'a éclairé, et m'a donné le chemin de vie sur lequel j'ai envie d'aller. Puis ça lui a permis de se recentrer, je pense, sur elle, sur son essence. Fred parlait tout à l'heure du dernier album SOS, juste dans l'introduction, on a encore ce conflit où elle joue encore de personnages, où Diams lui dit, mais en fait, Mélanie, c'est toi qui freines Diams, c'est toi qui freines l'artiste. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'elle s'est recentrée sur elle-même, elle est sortie de ce personnage, comme je le disais, elle ne s'appartenait plus, en fait. Elle appartenait au peuple, elle appartenait à la France, aux auditeurs, et là, elle s'est retrouvée avec elle-même. C'est la fin de cette émission. Emmanuel Carino, Swafa Mamesh, Fred Musa, merci beaucoup. Merci d'avoir évoqué Diams. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Le répondeur refonctionne de nouveau parce que hier il ne fonctionnait pas. Et alors on est aussi au courant pour les podcasts qui des fois ne font que 25 minutes sur certaines plateformes. On travaille sur tout ça. Et vous pouvez également parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Vous préférez qu'on vous appelle Mélanie ou Diams aujourd'hui? Mélanie. C'est vrai que je suis redevenue juste une femme normale. Donc j'ai plus besoin de pseudo. On se quitte en musique, non pas avec Diams, mais avec J. Cole et Lil Baby. Mais c'est tout aussi agréable avec Pride is the Devil. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. And left so many R.I.P. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is a devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. Bright lights pass me in the city, it's emergency. I'm thankful cause I made it past my 30s, no one murdered me. Still remember vividly the nigga that pulled a gun on me. I'm petrified but moving like I got no sense of urgency. Pride make a nigga act way harder than he really be. Pride hide the shame of city, cut off all utilities. Pride hide the pain of growing up inhaling poverty. Pride make a nigga feel a way that you unfollow me. Make a nigga flash a thousand like he hit the lottery. Make a baby mama make shit harder than it gotta be. Make you have to take the bitch to court to see a prodigy. Make you have to use your last resort and pull a robbery. Pride be the reason for the family dichotomy. Got uncles and some aunties that's too proud to give apology. Slowly realizing what the root of all my problems be. It got me feeling different when somebody said they proud of me. Pride is a devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Yeah. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah. much money to count. What's the amount? 10 of a bounce. I got a pay a nigga to add it up. Then pay somebody to make sure whatever amount he say, I'm bag it up. Direct some racks, I'm racking up. Stacking up, you reaching or acting up. Break it down, weigh it up, not back it up. Make a five of mine, that's regular. Nigga playing with us, that's negative. Go back to start, that's never. I'ma boss my closet leather. Ain't no off days on my schedule. Long as I live, we live forever. Told my twin and shit get better. These niggas that slip, let me ahead them. Got my feet up, I pay 70 bands and have sex on the jet. I don't need them, that shit in the past. I'm feeling like, what's next? Got my speed up, foot all on the gas, just not a CA vet. I can beat them, I believe in me, just tell me what's the bet. All my pride gone, had to lose it all, then I got rich. I own five homes, glad some of this shit starting to make sense. I'm staying hella focused, and I can't forget the bigger picture. I can't even hold you, I didn't have shit, I won't forget it. Will I be destroyed? Come to me with everything, it's starting to get annoying. I'm addicted to promethazine, it's crazy, I know it. All this money coming in, it drive me crazy, not destroy it. I'll be crazy if I blow it. Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil. J. Cole et Lil Baby, et c'est vachement bien. Demain dans Blockbuster, des voitures, des courses, des frères que tout oppose, comme dans Fast and Furious. Sauf qu'il y a des salopettes à la place des Marcel, oh, no, et des grosses moustaches à la place des crânes chauves. Un jeu dans lequel des tortues lancent des carapaces de tortues sur leurs adversaires. Ce qui est quand même sacrément glauque pour un jeu tout public. Une compétition où l'étoile jaune n'est pas utilisée par un antivax qui fait une comparaison pourrie avec la Shoah. Demain, on parle de Mario Kart. France Inter.